大笑。今天还挺好的， Dans les la voir après, il est mort. Et il est mort. La fête du roi. Coupure milieu de bande. Je ne sais pas à quoi on peut demander des gens qu'on en avance là-bas. et la rapport avec le sens courant du terme interprétable. Interprété

demain, terre, la mort, c'est le platine qui s'agit. La justice, demain, mort, donc, il s'appelle la jouissance. Le rapport primitif, savoir à la justice. Et là, devient intéressant. parlons encore virtuel d'appel. Lorsque nous allons énoncer cette année, la séparer entre tous, entre les quatre, en mettant l'articulation de tous, mais le discours du verre. Vous rapportez monsieur Gordon, dans l'ensemble, vous êtes recruté de sa vie qui s'appelle l'université. Je le sais, vous ne pouvez pas concevoir que la philosophie ne parle que ça. Avant même qu'elle ne parle que ça, c'est-à-dire qu'elle l'appelle par son nom. thank you. attendre savoir si le savoir peut l'on peut poser un sujet sur la perspective d'un savoir totalement transparent en lui-même, le savoir est communiqué le registre d'origine et savoir faire. Or, ce qui se passe, ce qui se passe sous nos yeux et qui donne son sens à notre vous en aurez d'autres. Thank you. Donc, au départ. D'autres qui n'est pas moins qu'il est déjà. C'est tout spécialement à cause de l'énergie. Ça peut être un cas long. Alors, il s'agit de toi, du niveau de l'objet petit a, de vous constituer. Voir du côté, là, mon incidence dans un discours, ce qui vous est offert. Là, je ne pourrais pas pousser plus loin aujourd'hui, mais je continuerai à mon prochain séminaire. Ce deux termes n'est pas encore avancé. Le terme, en fait, l'impossible et l'impuissant, ça n'est pas pareil. L'impossible, figurez-vous, comme par hasard, ça a été mis en avant, en valeur, en lumière, dans le discours de Freud. Et ceci, très proprement, à propos de l'analyser, analyser une de ces unmögliche Berufen, ces impossibles professions auxquelles il associe. Le Regieren, gouverner, et aussi, ça reste vertir la formation des hommes. On doit leur permettre. L'impossible, ai-je dénoncé? Voilà. L'impossible, c'est le réel. Vous trouvez que ce n'est pas suffisamment démontré par le fait. Gouverner, éduquer, analyser les chiffres, on ne peut pas, oui. C'est vrai. Ah, le bon dit, le joint dans lequel la somme rejoindre quelque chose qui vous concerne. Justement, c'est impossible va démontrer comme tel. Je dis démontrer. Je vous dis. Questionnement sur le monde. Vous apercevoir ce qui est mathématique. La logique qui en découvre, bien plus, on parle des démons. Et justement, à ne pas nous perdre. Car il convient de ne pas s'y perdre. Chercher la vérité. Dans les règles du langage, à la formaliser. Il apprend de faire ce pas. De l'impossible à démontrer pour vrai dans tout système. Un certain niveau d'élévation. On ne peut pas dire que la réalité est trop. Il y a de l'impossible à démontrer vrai. Le faire. La vérité. La rapport à quoi? Non, savoir, mais justement à ce réel. C'était la façon de s'orienter. Tant qu'on n'avait pas d'autres moyens. Bien pour ça. À vivre et gagner. Bien sûr, il est là, à sa place. Chose qui joue le rôle de vérité dans ce qui pourrait être un savoir. Un savoir qui a sa place. Le S1 du discours du maître. Chacun vers l'épreuve. C'est là. Supporte un certain savoir, le réel. J'ai commencé par là, les intuitions. Constitue un Tiens, enfant du discours humain. Et c'est justement là le piège qui nous est tendu. On est que la moitié d'une passe. C'est ce que nécessite le mythe de la vérité. Côté de ce qui est caché, assez pâle, c'est ça que vous voudrez. Celui qu'elle se présente, et elle n'est pas prête d'être par terre, l'université. C'est un pareil statut de collation. Cette imagination d'un savoir institué. Bien sûr, on sent que ça craque un peu. On lâche la corde du côté de l'humanisme, voire des humanités. Croyez pas. Pareil, il ne s'en porte pas par plus mal, au moins pour encore un bon bout de temps. Vous demandez à une place, celle de l'autre, c'est produire quelque chose qui aille au secours. Vous avez à conduire là, en bas et à droite. Ça s'appelle la culture. On vous l'a dit, promotion culturelle de la société. Tout l'enfu, vous saurez produire. L'agréable, l'agréable. Vous nourrirez le système. Car c'est ça qu'on se rempart de l'impossibilité. Coupure fin de bande.